Serpentin vert par Madame d'Aulnoy, lu par Christiane Johann. Il y avait une fois une grande reine qui, étant accouchée de deux filles jumelles, convia 12 fées du voisinage de les venir voir et de les douer comme c'était la coutume en ce temps-là. Coutume très commode, car le pouvoir des fées raccommodait presque toujours ce que la nature avait gâté. Mais quelquefois aussi, il gâtait bien ce que la nature avait le mieux fait. Quand les fées furent toutes dans la salle des festins, on leur servit un repas magnifique. Chacun allait se placer à table lorsque Magotine entra. C'était la sœur de Carabosse, qui n'était pas moins méchante qu'elle. La reine à cette vue frissonna, craignant quelque désastre, parce qu'elle ne l'avait point priée de venir à la fête. Mais cachant son inquiétude avec soin, elle fut elle-même quérir un fauteuil de velours vert en broderie de saphir. Comme elle était la doyenne des fées, toutes les autres se rangèrent pour lui faire place, et chacune se disait à l'oreille « Dépêchons-nous, ma sœur, de douer les petites princesses afin de prévenir Magotine. » Lorsqu'on lui présenta un fauteuil, elle dit rudement qu'elle n'en voulait point et qu'elle était assez grande pour manger debout. Mais elle se trompa, car la table étant un peu haute, elle ne la voyait seulement pas, tant elle était petite. Elle en eut un dépit qui augmenta encore sa mauvaise humeur. « Madame, lui dit la reine, je vous supplie de vous mettre à table. Si vous aviez eu envie de m'avoir, répliqua la fée, vous m'auriez prié comme les autres. Il ne faut à votre cour que de jolies personnes, bien faites et bien magnifiques, comme sont mes sœurs. Pour moi, je suis trop laide et trop vieille, mais avec cela, je n'ai pas moins de pouvoir qu'elles, et sans me vanter, j'en ai peut-être davantage. » Toutes les fées la pressèrent tant de se mettre à table qu'elle y consentit. L'on posa d'abord une corbeille d'or et dedans 12 bouquets de pierreries. Les premières venues prirent chacune le leur, de sorte qu'il n'en resta point pour Magotine. Elle se mit à grommeler entre ses dents. La reine courut à son cabinet et lui apporta une cassette de peau d'Espagne parfumée, couverte de rubis, toute remplie de diamants. Elle la supplia de les recevoir, mais Magotine secoua la tête et lui dit « Gardez vos bijoux, madame, j'en ai de reste. Je venais seulement pour voir si vous aviez pensé à moi. Vous m'avez fort négligé. » Là-dessus, elle donna un coup de baguette sur la table et toutes les viandes dont elle était chargée se changèrent en serpents fricassés. Les fées en eurent tant d'horreur qu'elles jetèrent leurs serviettes et quittèrent le festin. Pendant qu'elles s'entretenaient du mauvais tour que Magotine venait de leur faire, cette barbare petite fée s'approcha du berceau où les princesses étaient enveloppées de langes de drap d'or et les plus jolies du monde. « Je te doue, dit-elle promptement, d'être parfaite en laideur. » Elle allait donner quelque malédiction à l'autre quand les fées, tout émues, accoururent et l'en empêchèrent. De sorte que la mauvaise Magotine cassa un panneau de vitre et passant au travers comme un éclair, elle disparut aux yeux. De quelque don que les fées bienfaisantes puissent douer les princesses, la reine ressentit moins leur bonté qu'elle ne ressentait la douleur de se voir mère de la plus laide créature du monde. Elle la prit entre ses bras et elle eut le chagrin de la voir enlaidir d'un instant à l'autre. Elle essayait inutilement de se faire violence pour ne pas pleurer devant mesdames les fées. Elle ne pouvait s'en empêcher et l'on ne saurait comprendre la pitié qu'elle leur faisait. « Que ferons-nous, ma sœur ? » s'entredisait-elle. « Que ferons-nous pour consoler la reine ?» Elles tinrent un grand conseil et lui dirent ensuite d'écouter moins sa douleur parce qu'il y avait un temps marqué où sa fille serait fort heureuse. « Mais, interrompit la reine, deviendra-t-elle belle ? » ?»« Nous ne pouvons, répliquèrent-elles, nous expliquer davantage. Qu'il vous suffise, madame, que votre fille sera contente. » Elle les remercia fort et ne manqua pas de les charger de présents, car encore que les fées fussent bien riches, elles voulaient toujours qu'on leur donnât quelque chose, et cette coutume a passé depuis chez tous les peuples de la terre sans que le temps les détruite. La reine appela sa fille aînée Laideronnette et la cadette Bélote. Ces noms leur convenaient parfaitement bien, car Laideronnette devenait si affreuse que quelque esprit qu'elle eût, il était impossible de la regarder. Sa sœur embellissait et paraissait toute charmante, de sorte que Laideronnette, ayant déjà 12 ans, vint se jeter aux pieds du roi et de la reine pour les prier de lui permettre de s'aller renfermer dans le château des solitaires, afin de cacher sa laideur et de ne les en point désoler plus longtemps. Il ne laissait pas de l'aimer malgré sa difformité, de sorte qu'ils eurent quelque peine d'y consentir. Mais Belote leur restait, c'était assez de quoi les consoler. L'aide Renette pria la reine de n'emmener avec elle que sa nourrice et quelques officiers pour la servir. « Vous ne devez pas craindre, madame, lui dit-elle, que l'on m'enlève, et je vous avoue qu'étant faite comme je suis, je voudrais éviter jusqu'à la lumière du jour. » Le roi et la reine lui accordèrent ce qu'elle demandait. Elle fut conduite dans le château qu'elle avait choisi. Il était bâti depuis plusieurs siècles. La mer venait jusque sous les fenêtres et lui servait de canal. Une vaste forêt voisine fournissait des promenades, et plusieurs prairies en terminaient la vue. La princesse jouait des instruments et chantait divinement bien. Elle demeura 2 ans dans cette agréable solitude où elle fit même quelques livres de réflexion. Mais l'envie de revoir le roi et la reine l'obligea de monter en carrosse et d'aller à la cour. Elle arriva justement comme on allait marier la princesse Belote. Tout était dans la joie. Lorsqu'on vit les drônettes, chacun prit un air chagrin. Elle ne fut embrassée ni caressée par aucun de ses parents. Et pour tout régal, on lui dit qu'elle était fort enlaidie et qu'on lui conseillait de ne pas paraître au bal, que cependant, si elle avait envie de le voir, on pourrait lui ménager quelques petits trous pour le regarder. Elle répondit qu'elle n'était venue ni pour danser ni pour entendre des violons, qu'il y avait si longtemps qu'elle était dans le château solitaire qu'elle n'avait pu s'empêcher de le quitter pour rendre ses respects au roi et à la reine, qu'elle connaissait avec une vive douleur qu'il ne pouvait la souffrir, qu'ainsi elle allait retourner dans son désert, où les arbres, les fleurs et les fontaines ne lui reprochaient point sa laideur lorsqu'elle s'en approchait. Quand le roi et la reine virent qu'elle était si fâchée, ils lui dirent, en se faisant quelque violence, qu'elle pouvait rester 2 ou 3 jours auprès d'eux. Mais comme elle avait du cœur, elle répliqua qu'elle aurait trop de peine à les quitter si elle passait ce temps en si bonne compagnie. Ils souhaitaient trop qu'elle s'en allât pour la retenir. Ils lui dirent froidement qu'elle avait raison. La princesse Belote lui donna pour présent de noces un vieux ruban qu'elle avait porté tout l'hiver à son manchon, et le roi qu'elle épousait lui donna du taffetas un zolin pour lui faire une jupe. Si elle s'en était crue, elle aurait bien jeté le ruban et le zinzolinage au nez des généreuses personnes qui la régalaient si mal. Mais elle avait tant d'esprit, de sagesse et de raison qu'elle ne voulut témoigner aucune aigreur. Elle partit donc avec sa fidèle nourrice pour retourner dans son château, le cœur si rempli de tristesse qu'elle fit tout le voyage sans dire une parole. Comme elle était un jour dans une des plus sombres allées de la forêt, elle vit sous un arbre un gros serpent vert qui, haussant la tête, lui dit « Laide Renette, tu n'es pas seule malheureuse. Vois mon horrible figure et sache que j'étais née encore plus beau que toi. » La princesse, effrayée, n'entendit pas la moitié de ses paroles. Elle s'enfuit et demeura plusieurs jours sans oser sortir, tant elle avait peur d'une pareille rencontre. Enfin, s'ennuyant d'être toujours seule dans sa chambre, elle en descendit sur le soir et fut au bord de la mer. Elle se promenait lentement et rêvait à sa triste destinée lorsqu'elle vit venir à elle une petite barque toute dorée et peinte de 1000 devises différentes. La voile en était de brocart d'or, le mât de cèdre, les rames de calembour. Il semblait que le hasard seul la faisait voguer, et comme elle s'arrêta fort proche du rivage, la princesse, curieuse d'en voir toutes les beautés, entra dedans. Elle la trouva garnie de velours cramoisi à fond d'or, et ce qui servait de clou était fait de diamants. Mais tout d'un coup, cette barque s'éloigna du rivage. La princesse, alarmée du péril qu'elle courait, prit les rames pour essayer d'y revenir. Ses efforts furent inutiles. Le vent qui soufflait éleva les flots. Elle perdit la terre de vue. N'apercevant plus que le ciel et la mer, elle s'abandonna à la fortune, persuadée qu'elle ne lui serait guère favorable, et que Magotine lui faisait encore ce mauvais tour. « Il faut que je meure, » dit-elle. « Quels mouvements secrets me font craindre la mort ? Hélas, jusqu'ici ai-je connu aucun des plaisirs qui peuvent la faire haïr. Ma laideur effraie jusqu'à mes proches parents. Ma sœur est une grande reine, et moi je suis reléguée au fond d'un désert. » Où pour toute compagnie j'ai trouvé un serpent qui parlait. Ne vaut-il donc pas mieux que je périsse que de traîner une languissante vie telle qu'est la mienne ? Ces réflexions tarirent les larmes de la princesse. Elle regardait avec intrépidité de quel côté viendrait la mort, et elle semblait la convier à ne pas tarder, lorsqu'elle vit sur les flots un serpent qui s'approcha de sa barque et qui lui dit « si vous étiez d'humeur à recevoir quelque secours d'un pauvre serpentin vert tel que moi, je suis en état de vous sauver la vie. » La mort me fait moins de peur que toi, s'écria la princesse. Si tu cherches à me faire quelque plaisir, ne te montre jamais à mes yeux. Serpentin vert fit un long sifflement. C'est la manière dont les serpents soupirent. Et sans rien répliquer, il s'enfonça dans l'onde. Quel horrible monstre, disait la princesse en elle-même. Il a des ailes verdâtres, son corps est de mille couleurs, ses griffes d'ivoire, ses yeux de feu, et sa tête hérissée de longs crins. Ah, j'aime mieux périr que de lui devoir la vie. Mère, reprenait-elle, quel attachement a-t-il à me suivre, et par quelle aventure peut-il parler comme s'il était raisonnable? Elle rêvait ainsi quand une voix répondant à sa pensée lui dit « Apprends, laideronnette, qu'il ne faut point mépriser Serpentin vert, et si ce n'était pas te dire une dureté, je t'assurerais qu'il est moins laid en son espèce que tu ne l'es en la tienne. Mais bien loin de vouloir te fâcher, l'on voudrait soulager tes peines, si tu voulais y consentir. » Cette voix surprit beaucoup la princesse, et ce qu'elle lui avait dit lui parut si peu soutenable qu'elle n'eut pas assez de force pour retenir ses larmes. Mais, en y faisant tout d'un coup réflexion, « Quoi ? S'écria-t-elle, je ne veux pas pleurer ma mort, et j'ai la faiblesse de pleurer parce qu'on me reproche ma laideur. De quoi me servirait, hélas, d'être la plus belle personne du monde ? Je n'en périrai pas moins. Ce me doit être même un motif de consolation pour m'empêcher de regretter la vie. » Pendant qu'elle moralisait ainsi, la barque, flottant toujours au gré des vents, vint se briser contre un rocher. Il n'en resta pas de pièces de bois ensemble. La pauvre princesse sentit que toute sa philosophie ne pouvait tenir contre un péril si évident. Elle trouva quelques morceaux de bois qu'elle crut prendre entre ses bras, et se sentant soulevée, elle arriva heureusement au pied de ce grand rocher. Hélas, que devint-elle quand elle vit qu'elle embrassait étroitement Serpentin vert ? Comme il s'aperçut de la frayeur épouvantable qu'elle avait, il s'éloigna un peu et lui cria « Vous me craindriez moins si vous me connaissiez davantage, mais il est de la rigueur de ma destinée d'effrayer tout le monde. » Il se jeta aussitôt dans l'eau et laideronnette resta seule sur un rocher d'une grandeur prodigieuse. De quelque côté qu'elle pût jeter les yeux, elle ne vit rien qui adoucît son désespoir. La nuit s'approchait, elle n'avait aucune provision pour manger et ne savait où se retirer. « Je croyais, dit-elle, tristement finir mes jours dans la mer. Sans doute, c'est ici leur dernière période. Quelque monstre marin viendra me dévorer ou le manque de nourriture m'ôtera la vie. » Elle s'assit au plus haut du rocher. Tant qu'il fit jour, elle regarda la mer et lorsque la nuit fut tout à fait venue, elle ôta sa jupe de taffetas zinzolin, dont elle se couvrit la tête et le visage, puis elle resta ainsi, bien inquiète de ce qui s'allait passer. Enfin, elle s'endormit, et il lui sembla qu'elle entendait divers instruments. Elle demeura persuadée qu'elle rêvait, mais au bout d'un moment, elle entendit chanter ces vers qui semblaient faits pour elle. « Souffrez qu'ici l'amour vous blesse, l'on y ressent ces tendres feux. Ce Dieu bannit notre tristesse. Nous nous plaisons dans ce séjour heureux. Souffrez qu'ici l'amour vous blesse, l'on y ressent ses tendres feux. » L'attention qu'elle fit à ces paroles la réveilla tout à fait. « De quel bonheur et de quelle infortune suis-je menacée ? » dit-elle. « En l'état où je suis, reste-t-il encore de beaux jours ?» Elle ouvrit les yeux avec quelque sorte de crainte, appréhendant de se trouver environnée de monstres. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'au lieu de ce rocher affreux et sauvage, elle se trouva dans une chambre toute lambrissée d'or. Le lit où elle était couchée répondait parfaitement à la magnificence du plus beau palais de l'univers. Elle se faisait là-dessus sans question, ne pouvant croire qu'elle fût bien éveillée. Enfin, elle se leva et courut ouvrir une porte vitrée qui donnait sur un spacieux balcon, d'où elle découvrit toutes les beautés que la nature, secondée de l'art, peut ménager sur la terre. Des jardins remplis de fleurs, de fontaines, de statues et d'arbres rares, des forêts en éloignement, des palais dont les murs étaient ornés de pierreries, les toits de perles si merveilleusement faits que c'était autant de chefs-d'œuvre. Une mer douce et paisible, couverte de mille sortes de bâtiments différents, dont les voiles, les banderoles et les flammes agitées par les vents faisaient l'effet du monde le plus agréable à la vue. « Dieu, juste Dieu ! S'écria-t-elle. « Que vois-je ? Où suis-je ? Quelle surprenante métamorphose ! Qu'est donc devenu cet épouvantable rocher qui semblait menacer les cieux de ses pointes sourcilleuses? Est-ce moi qui péris hier dans une barque et qui fus sauvée par le secours d'un serpent ? Elle parlait ainsi, elle se promenait, elle s'arrêtait, enfin elle entendit quelque bruit dans son appartement. Elle y entra et vit venir à elle 100 pagodes, vêtues et faites de 100 manières différentes. Les plus grands avaient une coudée de haut, et les plus petits n'avaient pas plus de 4 doigts. Les uns beaux, gracieux, agréables, les autres hideux et d'une laideur effrayante. Ils étaient de diamants, d'émeraudes, de rubis, de perles, de cristal, d'ambre, de corail, de porcelaine, d'or, d'argent, d'airain, de bronze, de fer, de bois, de terre. Les uns sans bras, les autres sans pieds, des bouches à l'oreille, des yeux de travers, des nez écrasés. En un mot, il n'y a pas plus de différence entre les créatures qui habitent le monde qu'il y en avait entre ces pagodes. Ceux qui se présentèrent devant la princesse étaient les députés du royaume. Après lui avoir fait une harangue mêlée de quelques réflexions très judicieuses, ils lui dirent pour la divertir que depuis quelque temps ils voyageaient dans le monde, mais que pour en obtenir la permission de leur souverain, ils lui faisaient serment, en partant, de ne point parler. Qu'il y en avait même de si scrupuleux qu'ils ne voulaient remuer ni la tête, ni les pieds, ni les mains, mais que cependant la plupart ne pouvaient s'en empêcher, qu'ils couraient ainsi l'univers, et que lorsqu'ils étaient de retour, ils réjouissaient leur roi par le récit de tout ce qui se passait de plus secret dans les différentes cours où ils étaient reçus. « C'est, madame, ajoutèrent ces députés, un plaisir que nous vous donnerons quelquefois, car nous avons ordre de ne rien oublier pour vous désennuyer. Au lieu de vous apporter des présents, nous venons vous divertir par nos chansons et par nos danses. » Ils se mirent aussitôt à chanter ces paroles, en dansant en danse ronde, avec des tambours de basque et des castagnettes. Les plaisirs sont charmants lorsqu'ils suivent les peines, les plaisirs sont charmants après de longs tourments. Ne brisez point vos chaînes, jeunes amants. Les plaisirs sont charmants lorsqu'ils suivent les peines, les plaisirs sont charmants après de longs tourments. À force de souffrir des rigueurs inhumaines, vous trouverez d'heureux moments. Les plaisirs sont charmants lorsqu'ils suivent les peines, les plaisirs sont charmants après de longs tourments. Lorsqu'ils eurent fini, le député qui avait porté la parole dit à la princesse : « Voici, madame, 100 pagodines qui sont destinées à l'honneur de vous servir. Tout ce que vous désirez au monde s'accomplira pourvu que vous restiez parmi nous. » Les pagodines parurent à leur tour. Elles tenaient des corbeilles proportionnées à leur taille, remplies de 100 choses différentes, si jolies, si utiles, si bien faites et si riches, que l'aideronnette ne se lassait point d'admirer, de louer et de se récrier sur les merveilles qu'elle voyait. La plus apparente des pagodines, qui était une petite figure de diamant, lui proposa d'entrer dans la grotte des bains, parce que la chaleur augmentait. La princesse marcha du côté qu'elle lui montrait, entre deux rangs de gardes du corps, d'une taille et d'une mine à faire mourir de rire. Elle trouva 2 cuves de cristal, garnies d'or, pleines d'eau d'une odeur si bonne et si rare qu'elle en demeura surprise. Un pavillon de drap d'or mêlé de verre s'élevait au-dessus. Elle demanda pourquoi il y avait 2 cuves. On lui dit que l'une était pour elle et l'autre pour le souverain des pagodes. « Mais, s'écria-t-elle, en quel endroit est-il ? « Madame, lui dit-on, il fait à présent la guerre. Vous le verrez à son retour. » La princesse demanda encore s'il était marié. On lui dit que non et qu'il était si aimable qu'il n'avait trouvé jusqu'alors personne digne de lui. Elle ne poussa pas plus loin sa curiosité. Elle se déshabilla et se mit dans le bain. Aussitôt, pagodes et pagodines se mirent à chanter et à jouer des instruments. Tel avait des théorbes faits d'une coquille de noix. Tel avait des violes faites d'une coquille d'amande, car il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. Mais tout cela était si juste et s'accordait si bien que rien ne réjouissait davantage que ces sortes de concerts. Lorsque la princesse fut sortie du bain, on lui présenta une robe de chambre magnifique. Plusieurs pagodes, qui jouaient de la flûte et du hautbois, marchaient devant elle. Plusieurs pagodines la suivaient, chantant des vers à sa louange. Elle entra ainsi dans une chambre où sa toilette était mise. Aussitôt, Pagodine, dame d'un tour, Pagodine, femme de chambre, allait et venait, la coiffait, l'habillait, la louait, l'applaudissait. Il n'était plus question de laideur, de jupes insolentes, ni de rubans gras. La princesse était véritablement étonnée. « Qu'est-ce qui peut, disait-elle, me procurer un bonheur si extraordinaire? Je suis sur le point de périr, j'attends la mort, je ne puis espérer autre chose. Et cependant, je me trouve tout d'un coup dans le lieu du monde le plus agréable, le plus magnifique, et où l'on me témoigne le plus de joie de me voir. » Comme elle avait infiniment de l'esprit et de la bonté, elle faisait si bien que toutes les petites créatures qui l'approchaient demeuraient charmées de ses manières. Tous les jours, à son lever, elle avait de nouveaux habits, nouvelles dentelles, nouvelles pierreries. C'était trop de dommage qu'elle fût si laide, mais cependant elle, qui ne pouvait se souffrir, commença de se trouver moins désagréable par le grand soin que l'on prenait de la parer. Il n'y avait point d'heure où quelque pagode n'arrivasse et ne lui rendisse compte des choses les plus secrètes et les plus curieuses qui se passaient dans le monde, des traités de paix, des ligues pour faire la guerre, trahisons et ruptures d'amants, infidélité de maîtresse, désespoir, raccommodement, héritier déçu, mariage rompu, vieille veuve qui se remariait fort mal à propos, trésor découvert, banqueroute, fortune faite en un moment, favori tombé, siège de place, mari jaloux, femme coquette, mauvais enfant, villes abîmées. Enfin, que ne venait-il pas dire à la princesse pour la réjouir ou pour l'occuper? Il y avait quelquefois des pagodes qui avaient le ventre si enflé et les joues si bouffies que c'était une chose surprenante. Quand elle leur demandait pourquoi ils étaient ainsi, ils lui disaient « Comme il ne nous est pas permis de rire ni de parler dans le monde, et que nous y voyons faire sans cesse des choses toutes risibles et des sottises presque intolérables, l'envie d'en railler est si forte que nous en enflons, et c'est proprement une hydropisie de rire dont nous guérissons dès que nous sommes ici. » La princesse admirait le bon esprit de la gente pagodine, car effectivement l'on pourrait bien enfler de rire s'il fallait rire de toutes les impertinences que l'on voit. Il n'y avait point de soir que l'on ne jouât une des plus belles pièces de Corneille ou de Molière. Le bal était très fréquent, et les plus petites figures, pour tirer avantage de tout, dansaient sur la corde afin d'être mieux vues. Au reste, les repas conservés à la princesse pouvaient passer pour des festins de fêtes solennelles. On lui apportait des livres sérieux, de galants, d'historiques. Enfin, les jours s'écoulaient comme des moments, quoiqu'à la vérité, toutes ces pagodes, si spirituelles, lui parussent d'une petitesse insupportable. Car il arrivait souvent qu'allant à la promenade, elle en mettait une trentaine dans ses poches pour l'entretenir. C'était la plus plaisante chose du monde de les entendre caqueter avec leur petite voix, plus claire que celle des marionnettes. Il arriva une fois que la princesse, ne dormant point, disait « Que deviendrai-je? Serai-je toujours ici ? Ma vie se passe plus agréablement que je n'aurais osé l'espérer. Cependant, il manque quelque chose à mon cœur. J'ignore ce que c'est, et je commence à sentir que cette suite des mêmes plaisirs, qui n'est variée par aucun événement, me semble insipide. « Hé, princesse, lui dit une voix, n'est-ce pas votre faute? Si vous vouliez aimer, vous sauriez bien vite que l'on peut rester longtemps avec ce qu'on aime, dans un palais, et même dans une solitude affreuse, sans souhaiter d'en sortir. » « Quelle pagode me parle ? » répondit-elle. « Quels pernicieux conseils me donnent-ils, contraires à tout le repos de ma vie ?»« Ce n'est point un pagode, répondit-on, qui vous avertit d'une chose que vous ferez tôt ou tard. C'est le malheureux souverain de ce royaume qui vous adore, madame, et qui n'oserait vous le dire qu'en tremblant. »« Un roi m'adore ? » répliqua la princesse. « Ce roi a-t-il des yeux ? Ou s'il est aveuglé, a-t-il vu que je suis la plus laide personne du monde ?» « Je vous ai vue, madame, répliqua l'invisible, je ne vous ai point trouvée telle que vous vous représentez, et soit votre personne, votre mérite ou vos disgrâces, je vous le répète, je vous adore, mais mon amour respectueux et craintif m'oblige à me cacher. « Je vous en ai de l'obligation, reprit la princesse, que ferais-je, hélas, si jamais quelque chose? Vous feriez la félicité de celui qui ne peut vivre sans vous, lui dit-il. « Mais si vous ne lui permettez pas de paraître, il n'oserait le faire. »« Non, dit la princesse, non, je ne veux rien voir qui m'engage trop fortement. » On cessa de lui répondre, et elle fut le reste de la nuit très occupée de cette aventure.